On va parler des castors de debout avec notre ami Robin Bouillon. Salut Robin. Salut Danny. Robin, en fin de semaine, ben c'était mardi le match, parce que au départ ça devait être lundi, mais avec la tempête de fou qu'on a eue, ça a été remis à mardi. Parle-moi de... Écoute, c'est une grosse défaite, hein? C'est une défaite qui fait mal, là. Absolument, Danny, c'est une défaite qui est décevante, je disais, parce que si on gagnait, ça nous permettait de finir troisième, puis de jouer contre ces mêmes Saint-Félicien-là. Quoique, peu importe l'adversaire contre qui qu'on va jouer dans cette ligue-là, il n'y a rien qui est acquis. C'est juste que peut-être ça nous aurait évité de faire un voyage à Chibougamau. Ben oui, effectivement. Puis du côté des... Écoute, le Marco Spa, peut-être c'était un match qui était imprenable, là. Oui, absolument. C'était à notre portée. Écoute, ça a été difficile en début de match. Puis on s'est jamais, tu sais, il y a tout le temps un petit vent de panique là, qui s'installe. Puis on n'a jamais pu retrouver notre rythme. Quoi qu'on venait 4-3 à un moment donné. Puis ils ont été, tu sais, il faut quand même donner le crédit à Saint-Félicien qui ont joué un gros match. Oui, puis il y avait une défaite à la fin, là, à 20 secondes du match. Oui, il n'y avait pas grand-chose à gagner, je crois, là. Non, semblait ça, exactement. Je pense que c'est ça que tu as fait. Okay, mais regarde, on est rendu dans cette situation-là, puis il faut faire avec, puis il faut pas regarder en arrière, puis regarder en avant. OK. Parle-moi, écoute, là, les ambassadeurs de Chibougamau, évidemment, j'ai moins de conversations. Avant, il y avait une chronique chez les ambassadeurs, mais là, il n'y en a plus vraiment. C'est quel genre d'équipe que c'est? C'est une équipe qui travaille fort, ça. On se rappelle bien de Chibougamau, ça doit être une équipe qui travaille fort, hein? Oui, une équipe qui travaille fort, qui nous ressemble beaucoup, donc c'est une équipe qui est bien équilibrée quand même, là, tu sais. Puis d'ailleurs, tous nos matchs durant la saison, écoute, il y a eu 3 matchs qui se sont terminés 4-3, dont 2 en prolongation, plus un autre qu'on a perdu 1-0 en prolongation. Donc je m'attends à une série qui va être très serrée, là. Une série très longue très aussi, longue. Là, mais l'avantage de la glace, c'est important. Si vous l'avez, en tout cas. Oui, c'est ce qu'on a. On va essayer de profiter de nos 2 premiers matchs qu'on va jouer ici vendredi et samedi ici à Dolbeau. Là. Okay, donc, on a des matchs quand même très importants. OK. Dis-moi, on ne s'est pas parlé durant avant le tournoi du centre de formation professionnelle. J'ai eu des petites mortalités. Parle-moi de... Écoute, vous avez perdu en demi-finale. C'est décevant, ça, chez vous. En demi-finale, oui, contre Jonquière en prolongation, match de 2-1, oui. OK, c'est ça. Donc, je pense que c'est un tournoi qu'on peut sortir la tête haute parce qu'on a réussi dans ce tournoi-là à battre Jonquière le samedi soir. Puis on a gagné 3-2. Puis on savait que battre 2 fois la même équipe, c'est difficile. Puis 2 fois la meilleure équipe de la province, c'est encore plus dur. Mais on a quand même fait honorable en perdant 2-1 en prolongation. OK. Donc, les matchs ont lieu en fin de semaine. Ça commence en fin de semaine, vendredi, samedi, ici même à Dolbeau-Missassini. Par la suite, j'imagine que c'est sur semaine, parce que c'est la semaine de relâche. Donc, j'imagine que tu vas jouer à Chibougamau, c'est ça? Non, ben c'est ça. Ça va être une fin de semaine assez serrée. On joue vendredi soir à 6h30, puis samedi à 11h30, je pense. Puis après ça, on monte à Chibougamau le lendemain pour 2 matchs. Oh, OK. Donc, la série peut se terminer peut-être dimanche. Si un cinquième match, il va jouer jeudi ici à Dolbeau. OK, jeudi, hein, c'est beaucoup. Là. Comment tu vois ça, 2 matchs en 2 jours? En une journée, c'est-à-dire? C'est sûr que il va falloir travailler fort, puis il va falloir quand même faire des présences courtes, puis jouer avec tout le monde. Puis c'est, en tout cas, au moins, c'est ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, on est habitué à ça. Je roulais 3 lignes puis avoir de l'énergie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va aborder le match. OK. On s'en reparle la semaine prochaine, Robin. C'est bon, Daniel. L'instructeur chef des Castors de Debout, Robin Bouillon.